Chapitre 12. Où l'on verra comment M. Combes, en voulant attraper du poisson, attrapa un secret. La pêche dédommageait amplement M. Combes de ses tribulations horticoles. Il semblait que le ciel l'eût destiné, Attila d'une nouvelle espèce, à dépeupler le golfe marseillais. Pendant les beaux jours, chaque soir, il rentrait, comme il le disait lui-même dans son langage plus imagé qu'académique, avec une luxure de poisson et ce sourire dédaigneux qui caractérise les conquérants heureux. Chaque soir, il avait pu cuisiner des bouillabaisse dignes par leur ampleur de figurer au dîner où la femme de Grand Gousier mangea tant de tripes. Malheureusement, plus on avançait vers l'hiver, et plus ces débauches de sauce safranée devenaient rares, plus la mauvaise humeur de M. Combes augmentait. Pendant des semaines entières, le ciel restait voilé de nuages sombres. La Méditerranée si azurée devenait couleur de cendre, et la blonde et douce amphitrite, comme un géant révolté, semblait vouloir escalader le ciel, se tordant les bras dans les nuages et hurlant de cette voix menaçante qui porte l'effroi sur la côte. Pendant des semaines entières, M. Combes allait de son cabanon à sa bête et de sa bête à son cabanon, interrogeant le ciel avec anxiété, se frottant les mains à la moindre accalmie, dégageant aussitôt son bateau de ses amarres, se préparant à le lancer dans les flots, reconnaissant presque aussitôt, au redoublement de la tempête, la fragilité de son espoir. Contemplant mélancoliquement les montagnes d'eau qui, trois par trois, venaient briser leurs spirales énormes sur les rochers. Calculant ce que leurs flancs pouvaient contenir de poissons, et la distance qui séparait ce poisson de ses casseroles. Et tout disposé à faire fouetter comme Xerxès la mer qui se refusait à lui livrer la proie qu'il convoitait si ardemment. Il avait essayé de se venger sur les loups et les mulets qui, par gros temps, se rapprochent des eaux douces. Il aurait été, en suivant la côte, jeter la ligne à l'embouchure de l'Uvonne. Mais comme un jour, il s'était imprudemment avancé pour lancer plus au large son hameçon. Une lame monstrueuse l'avait renversé, et sans un jeune militaire, adepte fanatique et enthousiaste qui depuis 2 heures était assis à ses côtés et prenait in petto une leçon de cet habile professeur, celui-ci, puni de la peine du talion, eût été entraîné et fût allé offrir aux habitants de la Méditerranée une vengeance tout à la fois facile et savoureuse à exercer. Et puis, disons-le à sa gloire, le loup, le mulet, étaient des gibiers que M. Combes dédaignait. Marseillais classique, il n'estimait que le poisson de roche, et cela, accusé de conserver un goût de vase, ne lui semblait pas plus que le maquereau, digne des honneurs de sa table. Lorsque la mère se décidait à faire quelques concessions de bon voisinage à M. Combes, lorsqu'elle s'humiliait à son égard, l'ex-portefaix se hâtait de gagner le large. Mais la houle restait si forte qu'il suait sang et eau pour remuer sa bête. Ces sortes de bateaux à fond plat étant fort lourds, ce n'était qu'au prix d'une courbature qu'il parvenait à gagner son poste favori. Un jour, M. Combes eut une idée, et il attendit patiemment le dimanche, seul jour où il lui fut possible de la mettre à exécution. Cette idée ce n'était pas moins que de renoncer à goûter solitairement ses plaisirs, que d'embaucher Marius dans la grande confrérie des pêcheurs à la ligne. Un jeune homme fort et vigoureux devait faire merveille sur les avirons. Avec son aide, M. Combes se promettait de braver vents et tempêtes et se croyait certain de conquérir tout au moins une bouillabaisse hebdomadaire tant que durerait le mauvais temps. Le samedi soir, lorsque le fils de Millette arriva au cabanon, il paraissait si satisfait et si joyeux que M. Combes en fut surpris. L'idée ne lui vint pas d'attribuer le bonheur qui se lisait sur la physionomie de son filleul à autre chose qu'à la proposition qui allait lui être présentée, et comme M. Combes avait gardé un secret profond sur ses projets, il s'étonnait de la puissance des pressentiments qui avaient éclairé Marius sur les bienheureux destins qui l'attendaient. Après le souper, M. Combes se renversa sur sa chaise, les yeux à demi fermés, prenant l'attitude noble et bienveillante d'un ministre vis-à-vis de son protégé, et d'une voix lente et solennelle, comme il convenait pour une aussi grande circonstance, il annonça à Marius que le lendemain, il daignerait l'admettre à partager avec lui les délices de la Palangrotte. L'enthousiasme du jeune homme ne fut point à la hauteur de cet événement. Un observateur attentif eut remarqué que l'expression souriante de sa physionomie disparaissait à mesure que parlait l'ancien portefaix. Mais celui-ci avait une trop haute opinion de la faveur qu'il octroyait à son filleul. Il était en même temps trop préoccupé de ses préparatifs personnels pour s'arrêter à un scrupuleux examen physionomique de son futur élève. Seulement, Marius ayant manifesté l'intention de se promener dans le jardin après le repas du soir, M. Combes le lui défendit vertement, et afin d'être certain que rien ne le distrairait de cette veille des armes, de le trouver frais et dispos lorsque l'heure du départ viendrait à sonner, il l'enferma dans sa chambre. Bien avant le jour, M. Combes se jetait à bas de son lit et allait réveiller le fils de Millette. Il l'appela plusieurs fois, sans obtenir de réponse. Il mit la clé dans la serrure et ouvrit brusquement la porte, en apostrophant le jeune homme de toutes les épithètes inventées pour la confusion des paresseux. Rien ne lui répondit. Il souleva violemment la couverture sans rencontrer de résistance. Alors, il tâta les matelas avec sa main, et il s'aperçut que la place que devait occuper Marius était froide et vide. L'excellente conduite du pupille de M. Combes, le respectueux attachement qu'il témoignait à celui qu'il considérait comme son bienfaiteur, n'avait jamais, nous l'avons vu, triomphé des répugnances que ce dernier nourrissait à son égard. M. Combes pensa sur-le-champ à son argent. Son imagination prime sautière, comme toutes les imaginations méridionales, tira de cette évasion nocturne de déplorables conclusions. Il fit un bond du côté de l'escalier pour courir au secours de son secrétaire, qu'il se représentait forcé, brisé, effondré, pantelant, avec ses sacs d'écus éventrés, et deux mains se promenant amoureusement dans leurs flancs entr'ouverts et prenant un bain métallique. Presque au même instant, M. Combes s'arrêta. Il venait de réfléchir que chaque soir, M. Combes était un homme rempli de précautions, il accotait le chevet de son lit au volet de ce meuble précieux et qu'il y avait quelques secondes à peine qu'il avait quitté la chambre. Il venait d'entendre le bruit sec d'une toile qui battait au vent et de s'apercevoir que la fenêtre d'où ce bruit venait était ouverte. Il alla à cette fenêtre. Il y trouva un drap qui, attaché à l'appui par un de ses bouts, laissait l'autre balayer le sol. Il était évident que l'escapade du jeune homme ne pouvait avoir eu qu'un but extérieur, puisque chaque soir, portes et volets au rez-de-chaussée étaient soigneusement verrouillés par leurs propriétaires. Cette conviction rasséréna un peu M. Combes. Toutefois, il était trop ami de la régularité en toutes choses pour endurer patiemment la déplorable confusion que faisait son pupille entre les diverses ouvertures de son cabanon. Il était tout prêt à lâcher la bride à son indignation. Il avait déjà saisi un gros sarment pour rendre ce sentiment plus expressif lorsque la curiosité l'arrêta net. Que diable peut faire Marius dans le jardin à 4h30 du matin ? Telle fut la phrase interjective et interrogative que s'adressa M. Combes. Les us et coutumes marseillais sont ainsi faits qu'aucune supposition, si naturelle qu'elle fût, ne pouvait légitimer cette sortie. Monsieur Combes fut donc immédiatement tenté de connaître les raisons graves qui avaient décidé cette promenade matinale, et il se mit à genoux devant la fenêtre et, retenant son haleine, du regard, il explora l'enclos. D'abord, il ne vit rien. Puis, ses yeux s'habituant à l'obscurité, il aperçut une ombre qui se glissait le long de la maison, traînant après elle une échelle qu'elle appuya contre le mur qui séparait le jardin Combes de la propriété de M. Riouf. Sans même prendre la peine d'assurer convenablement cette échelle, l'ombre en gravit lentement les barreaux. M. Combes se demandait si le fils de Millette, plus heureux que lui-même, aurait par hasard découvert quelques fruits dans les arbres sur lesquels se promenait inutilement, hélas, depuis 20 ans, l'œil inquisitorial du maître. Mais l'ombre, ou plutôt Marius, dépassa rapidement les régions soi-disant fructifères, et parvenu au faîte du mur, il s'y établit à califourchon et fit entendre un léger coup de sifflet. Il était évident que ce signal s'adressait à quelque habitant de la propriété voisine. Monsieur Combes éprouva ce que doit éprouver le voyageur qui, perdu dans les terribles solitudes des gorges d'Olioul, entendait retentir de rocher en rocher le cri d'appel de Gaspard de Bresse. Ce coup de sifflet lui donna la chair de poule. Une sueur froide perla sur son front. Il n'avait nullement apprécié les bienfaits de la paix profonde dans laquelle ses anciens persécuteurs l'avaient laissé depuis près de 6 mois. Ses désespoirs horticoles avaient alimenté la haine vigoureuse qu'il nourrissait contre eux. Les conseils de Millette, les observations de Marius, étaient venus se briser contre les idées que le dépit et l'envie lui mettaient en tête. En s'exagérant dans la solitude, ce dépit, cette envie, lui avait fait franchir les limites de l'absurde. Jamais il n'eût voulu admettre que ce fût pour l'agrément de ses propriétaires que le jardin Riouf jetait tant de parfums aux brises de la mer. Il était convaincu que ce luxe de verdure et de fleurs n'avait qu'un but, celui de l'humilier, de lui faire pièce, et chaque jour, il s'attendait à pis. En recevant cette preuve des relations de son filleul avec ses ennemis, en le supposant lié à eux par un pacte, associé au mauvais dessein qu'il leur supposait, toujours prêt à livrer le côté faible de la place pour rendre plus aiguës les persécutions dont il se croyait encore menacé, M. Combes frémit de colère. Dans le transport de sa fureur, sa première pensée fut de se servir contre le traître de son expérience des armes à feu. Il abaissa le sarment qu'il tenait à la main et coucha en joue son filleul. Heureusement pour M. Combes et pour Marius que le sarment ne partit pas. En cherchant d'un doigt tremblant une détente sur ce fusil imaginaire, il s'aperçut de l'étrange méprise que dans son égarement il venait de commettre. Il lança le bâton avec violence sur le plancher et s'élança dans sa chambre à coucher. M. Combes était tellement hors de lui-même que malgré la précision mathématique par laquelle chaque case de son cerveau correspondait avec la place qu'occupait dans son cabanon chacun des objets qui lui appartenaient, il allait et venait dans une agitation folle, furetant dans tous les coins de son étroite chambrette, mettant dans l'obscurité la main sur des meubles qui, pour avoir quelque titre à une ressemblance avec l'excellente arme que lui avait vendue Zahoué, ne pouvait cependant pas plus que le sarment la remplacer. Ce ne fut qu'après quelques instants de ce désordre dans ses idées qu'il se souvint que, l'ayant nettoyé la veille, il l'avait, la veille, laissé au coin de l'âtre, ainsi que tout bon chasseur en semblables circonstances doit en avoir la précaution. Il descendit au rez-de-chaussée en ayant soin d'étouffer le bruit de ses pas pour ne pas réveiller Millette, qui, depuis que l'automne était venu, dormait sur le divan de la seule pièce du cabanon dans laquelle on fit du feu. Monsieur Combes saisit son fusil avec l'ivresse du sauvage prisonnier qui voit en lui la liberté. Il en fit claquer les batteries avec rage, mais par la raison que ce fusil était propre, ce fusil était vide et il fallait le charger. Et perdant de sa spontanéité, le mouvement qui portait Monsieur Combes à cette extrémité perdait naturellement de sa violence. Cependant, il était toujours décidé à donner, ce qu'il appelait une leçon à ce mauvais drôle. Mais nous croyons que déjà la pensée lui était venue de tirer soit un peu haut, soit un peu bas, sur le but vivant qu'il allait prendre. Ce qui, au reste, n'était peut-être pas une garantie pour celui-ci.